Quand je suis descendu, je ne t'ai pas trouvé. J'ai cherché un instant et j'ai abandonné. À l'horloge sonnait la fin de la matinée. Je me suis étendu, débraillé sur le lit. Les oiseaux à la fenêtre chantaient à tue-tête. Ton absence était lourde comme un poids sur mon cœur. Tu ne viendras plus. Je ne parlerai pas au vide, je ne vais pas me laisser faire. Je t'en voudrais certainement d'être lâche, mais qu'importe. Il n'y a plus d'oreilles quand je lâche ma voix. Tu ne viendras plus. Quand je suis descendu ce jour-là si maudit, ton fantôme hantait déjà les alentours, un spectre bien tranquille qui flottait dans les bois.